la place ça suffit pas. Le soleil ça ne suffit pas, même la tige suffit pas. Fallait que la cam ouvre ses portes pour que les farces frottent comme si la zem ne suffisait pas. Et ne ralentissait pas assez Nina. J'ai un style de dingue sur original, sans origine connue comme Normaret. Même mon bled c'est un numéro, fallait pas m'inviter, c'est ça l'énorme erreur. Viens, on va direct au but, c'est du phénoménaire. Péril en la demeure, une spéciale pour mes démons. Là-bas tout le monde se connaît, mais ça braque à découvert. Enlevez-moi tout ce béton que je dise pas ma petite fille, ici avant c'était vert. Hey, ici température estivale, hôtel 3 étoiles, revenu du souk, efficace et de poils. Femme qui s'offrande, qui souffre, qui tombe plaqué sur grosse bite, tout en rythme, c'est la 9-7 suite. Du surpac, beau de bidonville, Martinique c'est mon île, paradisiaque mon œil. Fallait pas croire au collier de fleurs et au mon oeil. Si y'a une prière dans trip là, ça pétrole. Bayo déteste aïe, bayo. Madina, enseigne sa culture et ne gère plus les comptes. Plus d'indépendance, faut voir combien ça coûte trop de bananes pour l'île. C'est jamais trop de soucis pour le McDo. Il n'a de trop, c'est une place de perdu. Dans le pays, ma mère y vit, donc jamais je lui donnerai mon dos. Ici, on vote pour des mères qui se foulent pas trop. V'là ce qu'on m'a dit. C'est pas ma faute, ils ont sevré la chevrier, celui qui aimait ses airs. Là-bas, on n'aime pas les artistes, ils font rien pour la jeunesse. Alors on vient ici geler les couilles l'hiver. Dans le guet, je suis qu'un noir comme les autres frères. De plus en plus ça se dégrade. Au bon, si on pénètre sur notre gueule, c'est qu'on y met le prix. Mais si on achète plus, ils vendent plus et c'est tout. Dans le pays, si, si, y'a assez d'ocal ici. Alors, ça y qui dit au pavillon. Pas flippé. Si le nègre se fait entendre, c'est peut-être qu'il a eu la force d'espérer en pure perte ce qu'il a pour effet de mettre. Putain de mal-être, celui qui pourrit l'être. Conscient que là-bas, c'est pas la Corse, mais qu'un de ces quatre, ça pourrait l'être. Fini les clichés clean à la Hollywood. Qu'on ramène du son des culs et de la bonne weed pour les routes des guerres sans ville. À faire miroiter les vitrines, à quoi s'attendre sinon à ce que ça part dans ville. Pas que ça manque pas d'air, juste que ça exprime avec les armes ce que les bouches ne savent pas dire. Ne savent pas aménagement, pas pour l'emploi, mais faire bon. Ce qui fait que chaque année, bah, c'est la fuite des cerveaux. C'est qui c'est dingue, dingue. Comme moi ici, ma mère là-bas. Encore plus dingue, comme trop de jeunes ici, comme moi, Nina. Babylone retient tes soldats, parle pas d'indépendance. Si chez toi ils sont tous sous crédit, parle de terrain comme si c'était dynastie. Pendant que les autres privatisent les plages, mamie et ses médicaments et les scientifiques plagient ta potion magique. Le man c'est tragique, le Ben veut venir, Mandela veut pas bouger d'Afrique. Je crois qu'il nous oublie de l'autre côté de l'Atlantique. Les mains menottées par l'historique, je vais pas tourner la page, mon aïeul c'est un violeur. Des biel style bas, des biel style bas. Ou Chris Abayou, prime engage, voyez la foi Abayou, Chris en thème la guessa.